jeudi 4 octobre, le peuple élu de Dieu. En appelant Abraham à être son serviteur, Dieu s'est choisi un peuple pour le représenter devant le monde. Cet appel et cette élection constituaient un acte d'amour et de grâce de la part de Dieu. Après la dévastation et la désunion causées par la chute, l'appel que fit Dieu à Israël était central dans son plan de restauration de toute l'humanité. L'histoire sacrée constitue l'étude de l'œuvre de Dieu vers cette restauration, et dans ce plan, la nation de l'Alliance, Israël, était un élément majeur. Selon Deutéronome 7, les versets 6 à 11, « Pourquoi Dieu a-t-il appelé Israël son peuple ? Pourquoi a-t-il choisi les descendants d'Abraham pour être son peuple ?» L'amour de Dieu pour l'humanité est au centre de l'élection d'Israël comme son peuple. Dieu a fait alliance avec Abraham et ses descendants afin de préserver la connaissance de Dieu par l'intermédiaire de son peuple et d'amener la rédemption de l'humanité. Mais c'est un suprême acte d'amour qui a poussé Dieu à choisir Israël. Les descendants d'Abraham n'avaient aucune raison en eux-mêmes de se glorifier de l'amour immérité de Dieu. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est épris de vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le peuple le plus petit de tous les peuples, dans Deutéronome 7 au verset 7. Dieu choisit son peuple par un étrange renversement des valeurs. Tandis que les humains regardent au pouvoir, à la sagesse et à la confiance en soi pour se choisir des chefs, Dieu ne choisit pas les forts et les puissants pour le servir, mais ceux qui sentent et reconnaissent leur faiblesse, leur sottise et leur insignifiance de sorte qu'aucun ne se glorifiera devant lui. Cependant, voyez le privilège qui était le leur. Dieu désirait que son peuple serve à la louange et à la gloire de son nom. Il lui accorda tous les avantages spirituels. Il ne lui refusa rien de ce qui pouvait contribuer à la formation d'un caractère qui le représente dignement. Par sa soumission au commandement de Dieu, Israël devait connaître une prospérité qui émerveillerait les autres nations. Celui qui pouvait lui donner la sagesse et l'habileté dans tous les travaux était disposé à continuer son enseignement. Il voulait l'élever et l'annoblir par l'obéissance à ses lois. S'il les observait, il serait préservé des maladies qui affectaient les autres peuples et une grande vigueur intellectuelle devait être son partage. Sa prospérité mettrait en relief la gloire, la majesté et la puissance de Dieu, et il serait un royaume de prêtres et de princes. Le Seigneur lui fournissait tous les avantages voulus pour devenir la nation la plus puissante du monde. Quel parallèle trouve-t-on entre ce que Dieu a fait pour Israël autrefois, ainsi que l'appel qu'il avait pour eux d'une part, et ce qu'il a fait pour nous, ainsi que l'appel qu'il a pour nous, adventistes du septième jour, d'autre part.